de la colline, les hommes ont pris marche gentillement sous les ordres du lieutenant Kiki, 3e régiment. Le médaillon est puissant, palais de ses jumelles, le territoire, parcelle par parcelle, couleur prédominante, kaki, caché dans la brousse, mitrailleuse à la main, prêt à ouvrir le feu sur l'ennemi, dans serré, visage maquillé, la peur aux tripes, la guerre, pas leur trip, goût de sueur sur le front, ils flippent loin de leur maison. De guerre par le ciel, par la terre, canon pointé, missiles engagés, prêts à tuer, perdre de l'engrais avec les corps sans remords, et Terminator, gagnant du terrain, voiture tout terrain, les genies des chars imprégnés de sang, s'acharnent, décharnent tout en avançant, les soldats gisants, avancés prudemment, car l'ennemi russe, la haine se diffuse, plus d'amis, plus de pardon face à ces canons, creusant leur cimetière. Parquement, une mer de sang, des navires d'acier crachant des flammes, rampant sur le sable, évitant les mines, barges des berçons, des hommes oppressent, la fleur au fusil, le cœur serré, pleurons viendront, c'est déjà écrit, au-dessous des cris, les voix étouffées de tous les blessés, plus aucun secours, bientôt son tour d'y laisser sa peau, dernier soupir, sa femme plus qu'un souvenir, s'il reste la mort au prix de l'eau, c'est pour son drapeau. La guerre terminée, parachute déclenchée, soldats en vol, semant leurs bombes sur le sol, sur la colline, forêt en flammes, plus qu'un paysage désert, plus de napalm, pourtant avant tout était calme, histoire de grade de frontières, ils sont entretus pour un bout de terre, l'homme sa vraie nature, poussé jusqu'à la torture, en prend son père, son frère, c'est ça le futur, tout ça pour la mère patrie.